social s'est arrêté net à l'étage du sport. Pour aller plus haut, il faudra un piston. Un piston, un coup de pouce, une aiguille de l'effort. Esclave gainateur, tu te feras un nom. Pour dire que monsieur est un beau spectacle à la télé ce soir. Et que les annonceurs soient au rendez-vous. Il faut être brillant, régulier dans la gloire. On est sur le podium, à n'importe quel coup. La merde qui coule dans tes entrailles fait l'effet d'un calendrier de la chair à médaille que l'on envoie au fond. Entre dans l'arène, le public est là, il crie ton nom. La colle coule à flot dans la graisse et la crasse. Encore 5 à l'heure pour notre projection. Fais-nous croire qu'on pourrait se trouver à ta place. Représente un pays, représente une ville, représente une marque. Sport au pire du peuple, nouvelle religion. Esprit sans tatu quand tu ouvres la marque. Tête de vainqueur, tu entres au panthéon. La merde qui coule dans tes entrailles. Etienne, Etienne.